Don Diego, toro roi du tango. Écoute mon tempo. Un, dos, tres, cuatro. Je sais d'où tu viens. De l'Afrique, c'est loin. Poursuis ton chemin. Et rappelle-toi bien que la vie, ça vaut bien plus qu'un peso. Macho unigo, on est tous égaux. Solo! Me llamo Don Diego y canto una bonita canción. Diego, roi du tango. Adios, adios, adios, amigos.